Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay pour l'Épée Légendaire. Vous êtes un passionné de photos? C'est parfait car eux aussi, bienvenue dans Objectif Numérique. Bienvenue à Objectif Numérique, épisode numéro 28. Au menu, une question en direct d'un auditeur, un site Canon pour apprendre à utiliser les réglages manuels, 10 trucs pour faire des portraits d'enfants et François Dourlan revisite le quotidien. Pour cet épisode, nous avons l'équipe habituelle, Christian Jarry. Bonjour Stéphane. François Blanchette. Salut. Moi-même Stéphane Vaillancourt et on a un invité au bout, au bout du tuyau, au bout des internets, Maxime Tremblay du podcast Épée Légendaire. En fait, balado légendaire, devrais-je dire. Ben oui, et merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et d'ailleurs, Maxime, qui a fait l'introduction de cet épisode, merci. On s'échange ça un peu entre quelques podcasts, là, des intros d'épisodes. Et Maxime avait une question pour nous. Alors, je vais te laisser poser ta question, Maxime. Oui, bien, en fait, Stéphane, c'est assez simple. Écoute, moi, je me suis procuré récemment un petit compact. Non, j'ai pas de réflexe encore, donc je suis vraiment à l'envers d'un de vos sondages que vous aviez fait. Et puis, je l'ai choisi justement assez de qualité quand même pour qu'il puisse faire les modes manuels. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que le mode manuel, je m'en sers pas beaucoup parce que ça me prend tellement de temps à paramétrer ce que j'ai besoin pour la scène actuelle que je me demande, j'ai dit, bon, qu'est-ce que les gens font finalement pour utiliser efficacement le mode manuel? Parce qu'il y a tellement de paramètres. J'imagine qu'il y a des trucs que vous fixez, puis après ça, vous jouez juste selon la prise de vue ou l'angle de vue. Oui, bien en fait, c'est que ça dépend de l'appareil. Parce que vois-tu, sur les appareils réflexes, tu as beaucoup plus de contrôle sur les paramètres manuels justement. Et sur les appareils compacts, bien tout se retrouve dans les menus. Donc, et moi encore, aussi. Ça dépend. Tu vois, il y en a certains des compacts que j'ai utilisés qui avaient les contrôles sur l'appareil, facilitant énormément le mode manuel, tandis que d'autres, il n'y avait pas d'intérêt. C'est ça. Il n'y avait pas d'intérêt, c'était trop complexe, mal implémenté. C'est l'ergonomie de l'appareil, il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le désir d'utiliser le manuel. Oui, je comprends. Mais d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'avais choisi le S110, c'est parce qu'il y a une bague à l'avant, un peu comme les bagues qu'on retrouve sur les réflexes, et on peut l'utiliser justement pour paramétrer. On peut même le configurer pour choisir les paramètres qu'on veut avoir sur la bague. Ah, c'est bien. Et on peut l'utiliser à la volée vraiment pour changer les paramètres. Et avec les autres contrôles, on peut en choisir plusieurs. Sauf que je me rends compte que je suis vraiment pas efficace. Fait que là, souvent, tu sais, ce que je voulais vous demander comme conseil, c'est quel paramètre que vous choisissez généralement en premier avant l'autre. Si je prends un exemple, mais on sait que l'ISO va jouer beaucoup sur la sensibilité de la lumière, comme l'ouverture aussi. Donc, est-ce que vous choisissez l'ouverture que vous voulez avoir et ensuite l'ISO ou au contraire? C'est toujours prioriser l'ouverture avant l'ISO parce que l'ouverture ne te donnera pas de bruit dans ton image. Là. C'est vraiment l'ISO, plus tu vas le monter haut. Ça va générer du bruit à partir, selon l'appareil, mais ça peut commencer déjà à 800 ISO. Puis ton ouverture va déterminer qu'est-ce que tu veux comme style visuel aussi. Est-ce que tu veux un flou? Est-ce que tu préfères avoir toute l'image? Puis d'ailleurs, ça peut être un intéressant justement de le mettre ta priorité en ouverture. Je te dirais que maintenant, c'est ça que j'utilise. Mm-hmm. Les fois où ce que j'utilise beaucoup le mode manuel, c'est quand je suis dans une scène. Exemple, cet hiver, je prenais des photos. À un moment donné, j'étais dehors, puis je savais que mes conditions météo, ils changeaient pas. Le soleil ne changeait pas les affaires. Puis si tu y vas à priorisation à l'ouverture, ben il va changer. Fait que des fois, tu vas te ramasser quelques photos, un petit peu surexposé, un petit peu sous-exposé, tout le temps. Tandis que si tu le laisses en mode manuel, si tu as seté tes choses, ça ne change plus. Tu le sais, tu as ce que tu veux. Fait que ça ne change plus après. C'est là que ça devient intéressant, le mode manuel, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est une bonne approche. Là, où est-ce que le bas blesse, moi, pour le compact, c'est que là, à un moment donné, ben, je choisissais mes paramètres. Et là, je décide que, bon, la prochaine photo, je vais utiliser mon zoom. Donc, j'utilise le zoom. Et là, l'ouverture change forcément. Mm-hmm, et là, tout devient super sombre. Donc, c'est ça. Il faut que je fasse attention avec ça. Max, moi, je te dirais, je suis un peu de ton côté dans ce sens-là. Parce que les caméras compactes comme ça, qui ont un mode complètement manuel, c'est pas évident, là, tu sais. Non. Il faut vraiment que tu aies envie d'apprendre comment l'opérer, puis surtout d'arriver, puis de faire ça vite, parce que, tu sais, des fois, on veut prendre une photo rapidement. On veut que ce soit une belle photo, mais rapidement, parce que le moment est là. Tu sais, je pense que c'est ça que tu mentionnais aussi. Oui, c'est ça, puis c'est ce que je rate souvent, le moment. Ouais, voilà. Fait que, tu sais, c'est un compromis. Pour moi, dans le compact, à moins d'apprendre les menus par cœur, c'est un compromis, parce que tu dois passer par le menu pour quand même quelques fonctions importantes, tu sais, pour ajuster ton image. Donc, moi, je suis un petit peu de ton bord là-dessus. Je trouve pas ça évident. C'est pas très tentant, souvent, de se dire « Oh, OK, il faut que j'aille dans le menu, il faut que j'arrange ça. Faut... » Paf, je me mets en automatique, merci, bonsoir. J'irai faire un peu de retouche photo après, tu sais. Non, ben c'est ça. Normalement... Bon, c'est moi, par exemple. Ouais, ouais. Mais moi aussi, honnêtement, mais oui. Pour en avoir testé quand même pas mal des compacts récemment, François, je te dirais que je suis pas mal de ton avis. Il y en a quelques rares exceptions qui étaient vraiment très, très, très bien faites, que les contrôles étaient simples et rapides à utiliser. Fait que là, tu te dis, bah là, ça devient intéressant. Mm. Mais en général, non, c'est pas... quand on parle de compact, là, faut s'entendre. Là. Genre, celle qui me vient à l'esprit, c'est la X100, justement, qui avait les contrôles tellement faciles à utiliser que, elle, c'était le fun, mais elle était 1200$. C'est ça. Mais ce que je te conseille de faire, c'est d'en profiter pour utiliser les contrôles manuels et découvrir quand tu as justement le temps, pas quand tu es en expédition photo ou dans un événement quelconque, à la maison. Avec les enfants. Ouais, ou avec les enfants, ça c'est le pire scénario. Oui, ça... Mais quand tu es tout seul à la maison ou dans ta cour en arrière, ou tu es seul et tu as le temps, ou tu t'en vas faire de la photo en forêt ou n'importe quoi, là tu prends vraiment un peu plus de temps pour choisir apprendre. Tes réglages et apprendre qu'est-ce que ça donne, justement, voir le résultat. Puis à ce moment-là, à la limite, tu vas dire, ah ben là, je sais, la dernière fois, j'ai pris tel réglage, puis là, ça donnait un bon résultat dans telle situation. Puis c'est comme ça que ça va vraiment rentrer avec l'expérience, tout simplement. Puis quand tu as des événements, des fêtes d'enfants ou des trucs comme ça, tu restes en mode automatique. Puis à la limite, ben, tu coupes le flash, peut-être tu montes l'ISO. Puis ça va te donner des bons résultats quand même, parce que les appareils d'aujourd'hui sont quand même, ben, à partir de, peut-être pas les appareils en bas de 100$, là, mais des appareils où tu as investi un peu, justement, ben, comme le S110, justement, devraient te donner des bons résultats, même en mode automatique. Je lisais un peu les critiques, puis même moi, comme je disais, je l'ai essayé un petit peu, puis j'ai été surpris des performances. Il fait un très bon job, franchement, là. Mm. Ouais, ben c'est pour ça que j'avais choisi ce modèle-là. Puis effectivement, le mode automatique est très efficace. La détection des scènes selon la situation est vraiment incroyable. Moi, ça m'épate à toutes les fois. Mm-hmm. Mais je suis content, messieurs, merci beaucoup pour les réponses, parce que ça tend à me dire que j'étais dans la bonne direction. Donc, je vais juste continuer comme ça, puis continuer de prendre l'expérience. Parfait. C'est bon, bon. Merci pour la question, Maxime. Tu es le premier auditeur live, parce qu'on va commencer justement à prendre des questions en direct, ben, en fait, en semi-direct, parce qu'on enregistre l'épisode, mais des questions live des auditeurs comme ça. Bon, et Maxime, tu voulais apporter une petite précision parce qu'on a parlé de Windows Phone 8 à l'épisode 25, et puis tu connais bien le système d'exploitation Windows Phone 8 et tu voulais apporter quelques informations. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est parce que je suis un gros fan. Écoute, je suis un gros fan d'Objectif numérique en partant. Ah, merci. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, évidemment, le dernier épisode, je l'avais écouté. J'ai trouvé ça super le fun que vous parliez du Nokia Lumia 920, surtout à très axé sur son appareil photo, parce que selon moi, puis là, je dis ça avec une grosse paire de mitaines, là, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur appareil téléphone intelligent avec le meilleur appareil photo présentement. Mm-hmm. Je pense que ça va être un petit peu difficile à battre encore pour quelques mois. La technologie est efficace, pas au niveau juste de la taille du capteur, mais c'est vraiment ce qu'ils ont intégré comme technologie dedans pour stabiliser l'image, exemple, en format vidéo ou un peu plus que ça. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais. Ouais. Bon, sauf que, évidemment, comme étant un grand, grand fan de cette plateforme-là et un utilisateur de la première heure, ben, il y a plusieurs petits trucs qui m'ont accroché. Les arrêts ont oscillé. Il n'y a pas de mal. Mais c'est ça, mais tu sais, notamment, je pense que c'est François qui en parlait, mais c'est au niveau des applications disponibles. Je voulais apporter certains correctifs. Donc, première des choses, François, tu disais que tout.tv n'était pas disponible. C'est faux. Tout.tv est disponible sur la plateforme Windows Phone en application native, ça. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ah, OK. Bon. Concernant YouTube, c'est vrai, il n'y a pas d'application YouTube. Et ça, encore là, je vais reparler avec Megan. C'est que c'est présentement, c'est Google qui refuse l'accès à l'API pour Microsoft. Microsoft ont une application prête depuis 2011, depuis le lancement de la plateforme. Okay. Et Google leur refuse l'accès à l'API de YouTube pour pouvoir faire l'application officielle. Il y aurait une guerre entre les deux. Ouais, ben c'est le torchon brûle. Le torchon brûle, comme on dit. Par contre, il y a une application alternative qui s'appelle MetroTube, qui est exclusive sur la plateforme de Windows Phone. Puis il y a plusieurs commentaires de gens qui disent que c'est non seulement la meilleure application sur Windows Phone, mais ça pourrait être une des meilleures applications, toutes plateformes confondues. Donc je trouve que ça, c'est une application qui vaut la peine de jeter un œil. Ça s'appelle MetroTube. Mais les vidéos sont... Est-ce que c'est des vidéos de YouTube? Oui, ça se connecte directement au réseau YouTube. OK. C'est qu'ils ont mis une belle couche, une belle interface par-dessus ça. Là. OK, super. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis après ça, bien évidemment, vous aviez parlé de Dropbox. Évidemment, le client officiel n'est pas disponible. Il y a des clients alternatifs qui sont compatibles avec Dropbox. Ça aussi, ça fonctionne. Ouais. Puis même chose pour Instagram. C'est juste que j'ai une réticence, moi, à donner mon login, mes informations, mon mot de passe dans une application tierce. C'est la simple raison. Oui, si c'est Dropbox qui fournit une API officielle pour faire des applications tierces, à ce moment-là, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Mm-hmm. Mais si c'est quelqu'un qui a développé ça chez eux pour hacker le réseau de Dropbox, là, on s'entend pour dire que c'est oui, ça. Il peut avoir un problème. Ça serait à vérifier. Ouais. C'est vrai, effectivement. Puis, ben, comme j'allais dire à la toute fin, bon, c'est Instagram. Instagram, là aussi, il y a des applications alternatives non officielles. Par contre, elles se branchent bien sur les réseaux sociaux d'Instagram. La seule limitation, c'est qu'on ne peut pas créer de nouveaux comptes. Sur le réseau social d'Instagram avec ces applications-là. Tellement on doit utiliser des applications déjà existantes et Instagram a bien fait les choses. On ne peut pas créer de nouveaux comptes sur leur site web. Il faut absolument passer par une application officielle Instagram pour créer un nouveau compte. Mais à la limite, c'est même dommage parce que c'est un OS qui est super prometteur. Moi, honnêtement, je voudrais qu'il rentre dans le marché bien plus fort que ça. Mais maudit qu'il y a tellement de choses qui peuvent entrer en compte. Il y a BlackBerry aussi qui force fort. Apple qui va avoir à se défendre. Là. Mm-hmm. Ça, c'est clair. On le voit tous qu'est-ce qui se passe avec Apple. Fait que c'est Samsung là, qui est sur la pente ascendante. J'ai vu une c'est nouvelle, pas du favoritisme cet que je fais. Midi qui va peut-être faire sourire Max, justement, qui disait que iOS 7 adopterait le style plat à la Windows Phone 8. Oui, les tuiles plates. Tuiles plates oui, effectivement. Ben, j'ai vu ça passer. Ça me fait sourire, mais je suis pas convaincu à 100% qu'on va voir ça. Ça ne sera pas pareil. Ça serait ridicule de faire la même chose. Ouais. Ben, non seulement ça serait ridicule, puis en plus, ben, vous allez sûrement être d'accord avec moi au niveau des utilisateurs des iPhones. Les gens rachètent iPhone parce qu'ils aiment le système comme il est là présentement. C'est des gens qui veulent, c'est sûr qu'ils veulent des améliorations, mais ils ne veulent pas qu'on chamboule tout. Souvent, on dit on ne brise pas qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc, on n'essaye pas de réparer qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc, je pense que c'est le cas avec iOS présentement. Ben, écoute, il faut juste qu'ils poursuivent dans cette voie-là. C'est d'avoir le marché qu'ils ont réussi à obtenir, le nombre de gens dans l'écosystème Apple. Déjà, juste essayer de changer ça, c'est tout un job. Là. Ouais. C'est ça qui fait que c'est difficile aussi. C'est que les gens... Moi, quand je parle d'iPhone avec des gens qui ont des iPhones, ils veulent juste pas que ça change. Comme tu dis, c'est pour l'interface graphique autant que pour l'écosystème. Ça, ben, moi, j'en ai un puis je veux que ça change. Ah bon, mais... Un peu. C'est parce que toi, t'es geek. Oui. Bon. Parfait. Ben, c'était bien. On voulait apporter ces petits correctifs aux informations qu'on avait données à l'épisode 25. Oui, merci Max pour les corrections. C'est vraiment apprécié. Ça fait juste remettre les pendules à l'heure de la bonne façon. On adore ça. Mais c'est rien, il n'y a pas de problème. Puis tout ça pour revenir à l'appareil photo du Lumia 920 qui est vraiment, vraiment impressionnant. Moi, j'ai été complètement bluffé de ça. C'est incroyable. Oui, bien d'accord. Donc, merci de t'être prêté à l'expérience. Merci beaucoup, messieurs. Maintenant, on va passer au sujet de François. Il y a Canon qui a mis en place un site pour aider les gens à apprendre les contrôles manuels sur leur appareil photo. Oui, c'est un site qui donne vraiment le goût de quitter le mode automatique de sa caméra pour apprendre comment ça fonctionne en manuel. Ça va vraiment être pratique pour Maxime pour sortir du mode automatique de sa caméra, puis d'avoir des photos vraiment dignes de son appareil, parce qu'un Canon S110, c'est un superbe appareil en passant. Il y a trois sections principales sur ce site-là. Il y a la section apprentissage. On y apprend les bases de la photo, c'est-à-dire l'ouverture, la vitesse, l'ISO. C'est vraiment, mais vraiment bien illustré puis vulgarisé comme site. Ça donne aussi l'information comment lire le pose-mètre. Le pose-mètre, c'est l'instrument qui nous permet de savoir s'il y a trop de lumière ou pas assez de lumière qui entre sur notre capteur. Oui, oui, c'est vraiment visuellement, là, ça donne le goût de jouer avec. Il y a la section essai. Ça aussi, c'est toujours dans le même esprit graphique, c'est très bien fait. On met en pratique les connaissances qu'on a apprises dans la section apprentissage sur le rôle des différents réglages. Le site garde les clichés qu'on fait, parce que quand on fait des réglages, on peut cliquer sur « photo », il enregistre ça, la photo, sur le site web directement, puis on peut comparer les photos qu'on a faites avec différents settings, comme ça, avec différents réglages. OK. OK, tu as comme un faux décor, puis tu prends tes photos? C'est une photo qui est sur le site, puis là, c'est comme si on avait une caméra cadrée sur un cadre. Puis là, on bouge les réglages d'ouverture, de vitesse, puis on voit, pas en direct, on le voit pas en direct ce que ça fait. Tu règles ta caméra, quand tu cliques, tu vois la photo qui apparaît avec les réglages que tu as choisis. Si c'est surexposé, tu vas le voir, ça va être surex. Si c'est sous-ex, ça va être sous-ex. C'est bien. Très bien. On voit vraiment l'interaction entre les trois bases de la photo que j'appelle, là, l'ouverture, vitesse, ISO. La troisième section, c'est la section défi. C'est carrément un petit test qui permet de savoir si on a bien compris les principes de base. Ouais, je vais aller faire ça. Oui, oui, puis c'est vraiment amusant parce que, tu sais, des fois, on se dit, oui, oui, moi, je connais tout ça. Ouais. Là, tu fais comme, ah, attends, ce qu'il m'a demandé de faire comme défi, je suis pas arrivé du premier coup, pourquoi? T'sais, ah, parce que je voulais aller vite, parce qu'il y a une minuterie. Fait que là, tu te dis, ah, moi, je suis capable, je vais faire ça en 2-3 clics. Ah, ben non, j'avais oublié tel réglage. Intéressant. Ouais, ouais, ouais. Hey, là, tu me mets au défi. Ben, je vais aller faire ça. Ouais, c'est le fun. C'est super ludique. Cool. Super. Puis, ouais. Ce qui est le fun avec ce site-là aussi, c'est que tu passes pas 15 heures à lire. Ils sont vraiment bons pour vulgariser la chose. Ça donne le goût. À gauche, carte, dans tous dans toutes les sections, il y a par exemple, dans la section apprentissage, il y a un petit glossaire des termes. Quand on clique à gauche, carte, il y a un petit pop-up qui rentre dans la fenêtre, puis c'est le glossaire des termes sur l'apprentissage. La section essai, on donne des exemples de trucs qu'on peut faire. Puis dans la section défi, on donne des astuces sur comment réussir le bon réglage. En gros, c'est un bon petit site intéressant à aller visiter pour quiconque, amateur ou même professionnel, juste pour le fun de voir si on est vraiment rapide finalement. Bon. J'imagine que c'est pas nécessairement pertinent juste pour du monde qui ont des Canon. Ça peut être pertinent pour n'importe quelle personne. Oui, pareil. Parce que c'est les principes de base. Canon fait le site, mais ça s'adresse à n'importe quel appareil photographique, puis n'importe quel. Évidemment, qui peut aller en mode manuel. Oh, bien sûr. Et donc, on va jumeler ça avec les 10 trucs pour faire des portraits d'enfants que Christian va nous suggérer. Améliorer la prise de photos. C'est un article sur lequel je suis tombé encore une fois, une suggestion de Stéphane. Il y a des bonnes suggestions ces temps-ci, mais... Alors, je fais que ça de la recherche. Je sais. Tu fais bien ça à part ça. Non, c'est ça. En lisant la liste, je me suis rendu compte que c'est beaucoup des choses que j'applique. Fait, je me suis dit, c'est pertinent, on va en parler pour tout le monde. Premier truc, soyez préparés. Les enfants n'ont pas beaucoup de patience. On essaie d'être préparés. On sait où est-ce qu'on s'en va, quel genre de photos qu'on veut faire, le décor, etc. Changez pas trop souvent. Allez direct au but. Deuxième, gardez les vêtements simples. Tu sais, ça peut être intéressant, là, quelque chose qui est bien coloré, qui a beaucoup de couleurs, tout ça, mais en même temps, ça va te causer d'autres problèmes parce que là, ça va changer ta luminosité, ça va faire ci, ça va faire ça. Essayez de penser aussi à comment les enfants sont habillés. Ça va tenir, ça va jouer dans tout le décor, dans tout ce que vous avez à tenir. Fait que c'est une bonne idée de vêtements simples, là. Ça peut être intéressant. Mm. Celle-là m'a fait rire, mais c'est un bon truc que j'oublie à l'occasion, je dois dire. Nettoyer les visages des enfants de toutes les impuretés. C'est quoi ce truc-là? Parfois, les enfants ont des petits rhumes. Exactement. Oui. J'ai des très, très belles photos, surtout l'hiver, gâchées par, des choses pas très plaisantes. Mais c'est pas grave, ça fait partie du charme, c'est sûr et certain. Mais si on veut faire quelque chose d'un peu plus le fun que tu veux utiliser pour envoyer des photos à ta famille, tout ça, tu sais, si le matin, tu n'as pas lavé le taux de la bouche, ça s'arrange par Photoshop, mais c'est mieux de le faire du premier coup, disons. C'est un excellent truc, j'avoue. Reste un peu de tartinade sur la joue. L'autre chose, éviter les flashs trop forts. Parce que même nous, en tant qu'adultes, ça nous tanne des flashs dans les yeux. Ça nous agresse, c'est, un flash. C'est, exactement, c'est agressant. Puis comme je disais, les enfants ayant pas la même... toujours la même volonté que nous à vouloir participer, autant essayer de réduire le plus possible les irritants. Puis au pire des cas, si vous devez vraiment utiliser un flash, ben essayez de le faire rebondir, comme on en a déjà parlé, c'est sur les plafonds, sur les murs, oui, etc. Oui, oui. Ça l'atténue beaucoup, de toute façon, le résultat en étant plus beau aussi. Ou utiliser une espèce de diffuseur devant le flash là, pour justement atténuer la force, que ça soit pas un éclair direct dans les yeux. Là. Le prochain, ben ça s'applique plus, mettons, par exemple, si vous faites des photos d'autres mondes que vous prenez, mais c'est apprenez leur nom. T'sais, ça, pour vos enfants, ça risque pas d'être particulièrement le problème, mais t'sais, s'ils ont des amis, si vous voulez prendre des... ça c'est bien t'sais, d'avoir une communication, une relation avec la personne. Ouais. Puis ce truc est aussi bon aussi pour n'importe quel modèle ouais, que tu as, ça ouais. peut être intéressant ouais. Créer aussi. Créer une proximité. Exactement. Des blagues, ça reste un des meilleurs trucs. Les faire sourire, les faire mettre à l'aise, tu les fais faire des folies, des affaires comme ça, ben ça les détend. Ça fait moins formel parce que quand tu gardes ça formel, ben ouais, t'as souvent enfants. Le résultat qui va avec. Ben ouais, c'est stiff, ça bouge pas, c'est pas. C'est connu, quand... les enfants, ils ont pas envie de s'amuser du tout. Là. Non, jamais, jamais. Ça, c'est un truc, mais on en a déjà parlé, puis ça reste toujours aussi pertinent. Changez votre position. Un enfant, ça, des fois, tu sais, exemple, il peut décider d'être à terre. Ben, vous aussi, mettez-vous à terre. Gênez-vous pas. L'enfant peut être debout, ben peut-être restez à terre vous aussi, puis prenez une photo par en bas ou tournez, bougez. Ça aussi, si vous bougez, il va avoir le goût de bouger lui aussi. Fait mm-hmm. que, tu sais, c'est une autre façon de leur montrer comment bouger, comment, tu sais, ne pas rester fixe dans le fond. Ben c'est ça. Si l'enfant est couché à plat ventre pour s'amuser avec des figurines ou un truc du genre, ben vous aussi, vous vous couchez à plat ventre pour avoir vraiment la même perspective. Exactement. Là. C'est ça. Donc, comme je disais, c'est ça. Essayez d'autres angles. Ça peut être de dessus, de dessous. Mm-hmm. Des fois aussi, juste, on n'est pas obligé de garder ça très, très droit. On peut donner pour essayer de donner du mouvement. Si l'enfant, il donne un coup de karaté, ben on y va un peu diagonal ou quelque chose de même. Modifiez vos angles. Ça peut être intéressant. Ça donne du mouvement aussi. Oui, parfois, il suffit juste d'incliner l'appareil sur un côté. Exact. Ça change toute la dynamique de l'image. Tout à fait. Un des trucs... Ben, celui-là, je suis partagé, celui-là. Eux autres, ils disent, vous pouvez utiliser un zoom. Puis, c'est un bon truc parce que ce qu'eux autres, ils disent, c'est que quand tu es moins proche, l'enfant a tendance à oublier que la caméra y est. Oui. Par contre, il y a un bon et un mauvais côté. Quand tu es plus proche, il a tendance aussi à savoir que tu es là. Fait que si tu as une bonne proximité avec, ça peut devenir intéressant. Il va avoir tendance à regarder l'objectif si tu es proche. C'est donc ça. Tu vas avoir vraiment le. Ça dépend de ce que tu veux atteindre. Oui. Fait que tout est relatif. Puis, ben, le dernier, ben, ça, c'est toujours la même chose, c'est essayer d'avoir des objets, des jouets, des peluches, un ballon, oui. Particulièrement utile, plus l'enfant est jeune, mm-hmm. Ça prend pas grand-chose, j'en ai fait quelques sessions de photos avec des enfants, puis une petite marionnette de 1$ achetée au Dollar Store, là, ça vaut 100$ dans ces affaires-là, c'est vraiment utile. Mon fils a 2 ans, là, on est allé chez Walmart là, pour faire une photographie de famille, puis... ça prenait, je pense qu'il y avait deux toutous, là, deux peluches, un ballon. Il y avait vraiment un paquet de trucs mm-hmm. pour essayer de l'amuser parce qu'il ne voulait pas collaborer du tout. Ah non, lui, il n'était pas là pour prendre une photo. C'est 10 secondes là, à cet âge-là. Là, à 2 ans, 6-7 secondes. Oh, ouais, je suis gentil, mettons. Mais bon, avec tout ça, ben le temps d'apprendre son appareil photo, de mettre les trucs en application, ben votre enfant devrait déjà avoir dépassé les 2 ans. Vous allez être correct. Et voilà. Eh bien, bravo. Merci, Christian, pour les trucs. Ça fait plaisir. Et de mon côté, j'ai trouvé un petit site. C'est François Dourlan qui revisite le quotidien avec son iPhone et un autre appareil photo. En fait, c'est qu'il s'amuse à superposer son iPhone avec une photographie affichée à l'intérieur par-dessus une scène du quotidien. Donc, on voit un bateau qui est amarré avec une photo, mettons, des gens comme sur le Titanic, les bras en croix, qui sont à la proue du bateau. Il va modifier ce qui se trouve sur une fontaine ou un piédestal en mettant un autre truc à la place, une espèce de grand cheval ou tout des trucs comme ça. Dans une gare, il va mettre... Thomas the Train, là, Thomas. Ouais, ouais, Thomas le petit train. Thomas ouais. le petit train. Donc, c'est des... puis il essaie d'avoir vraiment la bonne perspective, ouais. La bonne taille aussi. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Oui, c'est ouais. ça. Et c'est génial, c'est super intéressant, c'est original et amusant. Donc, je vais mettre le lien sur les notes, dans les notes d'épisode, puis vous pourrez aller voir ça. Oui, parce qu'à Objectif Numérique, on appuie la créativité. Absolument. Oh, que c'est bien dit. Et sur ces beaux mots, nous allons conclure ce 28e épisode. Alors, merci, messieurs, de votre collaboration. Merci. Ça nous fait plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs. Pour nous rejoindre, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à Au Numérique. Sur Facebook et Google+, vous cherchez Objectif Numérique, tout simplement. Et n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, si vous voulez avoir toutes les mises à jour. On ne fait pas seulement publier nos épisodes et nos notes d'épisodes. On met aussi des liens intéressants, justement, quand on les voit passer. Et si vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous nous écrivez à podcast@objectifnumérique.com. Merci, à la prochaine!